Elle était belle quand tu l'as connue. Un sourire à faire fondre un glacier. Tu l'as renvoyée dans l'inconnu. Tu l'as rendue froide comme de l'acier. À toutes ces femmes qui sont les piliers du monde et qui méritent qu'on les traite toutes comme des reines. Je vais rapper pour vous pendant quelques secondes, parce que c'est bien vous qui construisez nos rêves. À toutes ces femmes battues ou salies par des hommes pour qui l'addition sera salée, qui se battent dans ce monde pour les valeurs, qui affrontent les tempêtes et encaissent le malheur. À vous tout au cœur de la tourmente, pendant que dehors la folie et la haine augmentent. Des féminicides à tout va, on m'aime pas parce que je dis tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Moi je supporte pas tous ces hommes qui se défoulent sur leurs femmes comme un sac de frappe. Tu te sens fort quand tu l'as fait pleurer, pour moi t'es qu'un lâche qui mérite qu'on l'attrape. J'ai tellement de respect pour les mamas, j'ai tellement de respect pour mes cousines, j'ai tellement de respect pour mes gamines qu'aucun homme les touchera sinon moi je le bousille. Cachée derrière du maquillage, elle te dira qu'elle est tombée dans l'escalier. Des marques violettes sur son visage, elle est prise sous emprise, confiée à son cahier. La nuit elle rêve de s'évader de sa prison dorée, mais le maton est là. Hier soir elle s'est fait frapper, elle pense qu'il va changer jusqu'à ce matin là. Arrêt du cœur, princesse est partie rejoindre les étoiles dans le ciel. Ce soir tout le monde pleure, mais personne n'était présent quand la pauvre criait à l'aide. Elle avait tellement d'amour à donner, elle est tombée tellement vite sous son charme. Il lui disait toujours je suis désolé, après lui avoir envoyé des chocs. Princesse a encaissé pendant des années, des contusions un peu partout sur le corps. Il réussissait même à lui faire croire que dans le conflit c'était elle qui avait tort. Bourrée d'empathie elle est restée, bien sûr que la tristesse l'a infestée. Elle a commencé à se détester, sa vida c'était pas la fiesta. Elle aurait tout donné pour lui, tombé dans son piège et noyé dans ses yeux. Mais ce genre de bonhomme est pourri, à peine à 30 ans princesse a rejoint les cieux. Une énorme pensée pour toutes celles qui ont eu le courage de partir avant le drame. Une énorme pensée à toutes celles qui ont rejoint le rivage d'en face à la rame. Elle était belle quand tu l'as connue, un sourire à faire fondre un glacier. Tu l'as renvoyée dans l'inconnu, tu l'as rendue froide comme de l'acier. À toutes ces femmes qui sont les piliers du monde et qui méritent qu'on les traite toutes comme des reines, j'ai rappé pour vous pendant quelques secondes, parce que c'est bien vous qui construisez nos rêves. J'ai tellement de respect pour les mamans, j'ai tellement de respect pour mes cousines. Princesse, princesse, princesse, princesse, princesse. J'ai tellement de respect pour mes gamines qu'aucun homme les touchera, moi sinon je les bousille. Princesse, princesse, princesse, princesse. Arrêt du cœur, princesse est partie rejoindre les étoiles dans le ciel. Ce soir tout le monde pleure, mais personne n'était présent quand la pauvre criait à l'aide. Princesse, princesse, princesse. Une grosse pensée à toutes nos reines, à toutes nos princesses, piliers de nos vies. Respect, raison.